ma gueule. Ah, on dirait que t'as la banane. Et y'a pas de bento ici, gros. Ah, bento, c'est une maison avec des gueules dedans. Et s'il y a des fours, ça fait grave la drogue à toute patate. Et la banane. Ah, la fin. La squad. Y'a pas de bento, la squad sort du check zone. Le four, le marron, la fuite, les décons. Ça sent pas bon dans la rue, y'a pas de piston. Tu frimes les petites Boston, Paris, c'est Compton. Tu trouves la purée d'homme, les queues, chatons, red dingue. Bien sûr, si c'est red mort. Ah, si du mois, ça fait ding dong. Bien sûr, si c'est red mort, si du mois, ça fait ding dong. Ding dong, ding dong, la popo est passée comme dans midi, minuit. Ils étaient dépassés, t'étais loin d'être là. Tu sonnais sous ripois dans le caleçon de la repu. Au feu rouge, y'a les buts. J'fais le sourire de la crapule en loose, laissez passer. Ma pilule est passée, les poulets l'ont gobé. Ma pilule est passée, les poulets l'ont bebé. C'est bien, je peux partir, gros, la squale a le sourire. Je pète mon paquet, j'appuie fort son champi. Direction les champs, là je vais voir un client. Je fais la route en chantant, je suis joyeux, pas méchant. J'ai rêvé de me faire un joaillier, mon but c'est de me tailler. Tailler, ouais, ma gueule, je vais mailler. Flash de popo, j'ai rêvé de me payer un bateau avec le drapeau de la dirige. Tire une page, t'es souris, je m'en vais viser sur Paris. J'ai RDV avenue Foch. Merde, gros, la boîte me filoche. J'ai rien dans les poches, j'ai rien viser encore. Et pas, gros, sont pas prêts de me lâcher. Et moi, gros, je suis pas prêt de m'arrêter. La squale rap élite, ça sent tireur d'élite. D'élite, j'ai coupé à fleurir, je suis tombé, t'aimes bomber ton torse. Moi j'adore les coups de cross. Au cross, j'ai triché devant le proc, j'fais gnier. J'encule ton travail, gros, j'encule la volaille. J'tiens le volant, j'suis pas prêt de le laisser. Laisse le micro, ma gueule, moi j'ai les gros. J'vends de la coco, régler le bobo. Il a réglé la note, la squad n'a pas de pote. Il a réglé la note, la squad n'a pas de pote. Voilà, c'était la squad de la banane. Banane bamba pour Apulite, sale. La squad, ma gueule.